En chinois, le mot parce que se dit yin wei. Yin, pouce, wei, coucher. Yin wei. Wei. Ton neutre, point fermé. Yin wei. Pour dire parce que. Alors, j'ai un ami qui fréquente beaucoup les milieux branchés. Et un jour, je l'ai croisé qui sortait d'une soirée et il m'a demandé « Alors, comment tu trouves mon style ? C'est très in, non ?» Alors, j'ai répondu « C'est très in, ouais. » Parce que je me voyais mal lui dire le contraire devant tout le monde. Alors, je ne voudrais pas te voir maintenant parce que je voudrais les voir. Pour commencer, comment dites-vous « parce que » ? In, ouais. Maintenant, prenons le reste de la phrase. Je ne voudrais pas te voir maintenant parce que je voudrais les voir. Je vous rappelle que pour te voir et les voir, l'ordre des mots est inversé par rapport au français et vous direz littéralement voir toi et voir eux. Traduisez d'abord je. Wo. Maintenant. Xian sai. Ne pas vouloir. Ne pas avoir envie de. Bu. Xiang. Voir ou rencontrer quelqu'un. Tien. Toi ou tu. Ni. Parce que. Yin wei. Je voudrais. Wo. Vouloir, avoir envie de. Xiang. Voir ou rencontrer quelqu'un. Tien. Eux ou ils. Ta men. Je ne voudrais pas te voir maintenant parce que je voudrais les voir. Wo xian zai bu xiang jian ni. Yin wei wo xiang jian ta men. Maintenant, dites-moi bonjour. Ni hao. Comment dites-vous bien? Hao. Et comment dites-vous bonjour? Ni hao. Ni hao. On a du mal à bien dire ce mot car on l'entend souvent mal prononcé par les étrangers. Oui, effectivement. Alors, traduisez maintenant. Es-tu trop occupé pour me voir? Ou voir moi. Dites d'abord tu. Ni. Trop occupé. Tai. Occupé. Mang. Ne pas pouvoir. Pu. Neng. Voir ou rencontrer. Tien. Moi ou je. Wo. Le mot interrogatif. Ma. Es-tu trop occupé pour me voir? Ni tai mang bu neng jian wo ma. Mais d'où vient ce bu? Il n'y a pas négation dans la phrase française. Ce qu'on dit en réalité, c'est es-tu trop occupé ne pas pouvoir me voir? Ah oui. En chinois, on ne dit pas trop occupé pour me voir. Ce qu'on dit littéralement en français, même si on n'utilise pas ces mots-là, c'est « tu ne peux pas me voir maintenant ». Oui, c'est vrai. Et c'est pareil en chinois. On dit en réalité ce qu'on pense. « Es-tu trop occupé pour ne pas pouvoir me voir ?» Et la réponse sera « je suis trop occupé pour te voir, littéralement, voir toi. » Donc, je... Wo. Trop occupé. Tai mang. Ne pas pouvoir. Bu neng. Voir quelqu'un, rencontrer quelqu'un. Tien. Toi ou tu. Ni. Je suis trop occupé pour te voir. Wo tai mang. Bu neng. Tien-ni. Comment dites-vous bonjour? Ni 好. Et vous, comment répondez-vous? 你好. Comment vas-tu? Alors, tu? 你 va bien. 很好. Non, ce n'est pas vraiment ça. C'est une question et il y a la règle des deux syllabes à respecter. Alors, vous avez déjà utilisé deux syllabes ici et vous allez poser une question. Donc, où allez-vous mettre notre chère maman? Parce qu'elle va vraiment se vexer si on ne l'ajoute pas. D'accord, je vais réessayer. 你好吗? C'est ça. Comment vas-tu? 你好吗? Alors, je vais bien. Je. 我. Vous connaissez le mot bien qui se dit 很好. D'accord, vous venez de dire deux mots, mais seul l'un des deux convient pour dire bien ou aller bien. 好. Donc, quel est le mot que vous allez ajouter? Vous l'avez déjà dit, mais je voudrais l'entendre encore une fois. Comment allez-vous respecter la règle des deux syllabes ici? Quelles sont les deux syllabes que vous utilisez? Je vais utiliser le mot de remplissage. Exactement, le mot vide, le mot de remplissage. Donc, dites-le encore une fois, s'il vous plaît. Je vais bien. 我很好. 我很好. Et maintenant, dites-moi, comment vas-tu? 你好吗? 你好吗? Dites-moi, je voudrais te voir parce que je ne suis pas occupé maintenant. Je. 我. Vouloir, avoir envie de. 想. Te voir ou rencontrer toi. 见. Toi ou tu. 你. Parce que. 因为 je 我 maintenant 现在 pas occupé avec deux syllabes 不忙 je voudrais te voir parce que je ne suis pas occupé maintenant 我想见你因为我现在不忙。